bonjour à toutes et à tous, c'est Aurélien. On se retrouve cette semaine encore pour un nouveau coup de cœur sur Radio Gamozo. Et cette semaine, je vais vous parler enfin du Laval Virtual. Donc le Laval Virtual, c'est quoi ? C'est un énorme salon de réalité virtuelle et de réalité augmentée, sûrement le plus grand de France et l'un des plus grands d'Europe. Et j'y suis allé du coup. Il se déroulait en deux étapes. Le 21 et le 22 mars, c'était les journées pro qui coûtaient bien cher, où il y avait vraiment les trucs high technology, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et le 23-24 mars, c'était les journées publiques, donc qui coûtaient beaucoup moins cher, et où par contre le grand public pouvait venir, pouvait tester les jeux vidéo, les jeux en réalité virtuelle et compagnie. Bon, j'ai eu une très grande chance, c'est que j'ai pu interviewer l'organisateur du salon. C'est pas le créateur, c'est l'organisateur. Il a pas créé le salon. Donc je vais très rapidement vous laisser avec l'enregistrement. Donc cette émission va être assez longue, donc vous pouvez prendre un paquet de popcorn, vous installer tranquillement. Je m'excuse aussi d'avance parce qu'en fait à l'intérieur, comme vous pouvez le deviner, il y avait de l'ambiance, il y avait de la musique et tout. Du coup j'étais sorti dehors pour l'interviewer, j'avais un très bon matériel, mais il y a le vent qui est venu jouer les troubles faits et il y a pas mal de parties qui sont malheureusement incompréhensibles, que vous n'allez pas comprendre. Alors après la petite interview d'une dizaine de minutes, je pense, je referai un passage pour vous expliquer mes impressions, ce que j'ai vu, et pour vous redire ce que la personne en question m'a dit et que vous n'avez pas pu comprendre. Enfin, que j'aurais coupé du coup au montage. Voilà. Donc, je vous laisse avec l'enregistrement et on se retrouve après. J'ai imaginé le remplacer et je me suis positionné en me disant que Laval Virtual était un bel outil qui méritait de grandir encore, puisque à l'époque quand je l'ai repris, donc c'était en 2013, il y avait 80 exposants sur le salon, et aujourd'hui on est entre 302 cette année, 310 l'année dernière. Voilà, c'est devenu un très très gros salon, le plus gros du monde d'ailleurs. Pour approximativement combien de visiteurs ? Alors, cette année, on sera à peu près sur 18 000 visiteurs au total entre les journées professionnelles et les journées grand public. C'est le chiffre de l'année dernière également. Voilà. On a travaillé cette année l'augmentation de la qualité des visiteurs plutôt que la quantité. Parce qu'on est une petite ville, faut pas qu'on surcharge toute la ville. D'accord. Et vous organisez d'autres salons dans ce genre, à part le Laval Virtual ? Alors, nous organisons d'autres salons, oui. Depuis 3 ans, on a créé un Laval Virtual en Asie, donc qui s'appelle Laval Virtual Asia, en Chine, dans la ville de Qingdao. Voilà, où nous occupons de la partie internationale de ce salon. Donc faire venir des speakers internationaux, enfin, des conférenciers internationaux, faire venir des exposants internationaux et des visiteurs internationaux. Voilà. Quand je dis internationaux, c'est autre que les Chinois. Voilà. Mais c'est déjà un beau salon. Et puis on organise d'autres événements pendant l'année, mais qui sont plus petits. Voilà, des événements où il y a entre 100 et 300 personnes sur des thématiques spéciales. C'est-à-dire on va croiser réalité virtuelle, réalité augmentée et une thématique d'usage, par exemple les médias, ou par exemple le tourisme, ou par exemple la santé, ou la construction, etc. Voilà. Et c'est peut-être bête, mais je sais que la Chine est en plein développement et c'est le pays qui, l'un des pays meneurs dans la réalité virtuelle et dans la technologie. Mais avez-vous pensé à ouvrir aussi un salon en Californie, du fait que là-bas il y ait la Silicon Valley. La Silicon Valley, ouais. Et toutes ces grandes industries, Google et compagnie. Ouais. Alors on y pense. Le terrain est déjà pas mal occupé quand même en Californie, puisqu'il y a au moins 3 salons qui sont plus petits que nous, mais concurrents néanmoins. Donc il y a Augmented World Expo à San Francisco, il y a SVVR, il y a VRLA qui en a organisé un aussi. Voilà, donc on se dit qu'il y a d'autres terrains de jeu dans le monde pour nous positionner. D'abord, c'est pas une fin en soi, c'est pas une obligation, hein, de partir à l'étranger. Faut que ça remplisse une utilité. Et pour nous, l'utilité, c'est de porter le plus loin possible les couleurs de Laval. C'est d'aller aider les startups, les entreprises qui font partie de notre écosystème à exporter dans les pays en question, ou à identifier dans les pays en question des entreprises qui pourraient venir s'installer en Europe. Voilà, c'est nos missions. D'accord. Vous qui avez un œil Comment pourrais-je formuler ça ? Averti ? Expert ? Expert, voilà, je pense. Vous qui êtes expert par rapport à toutes ces technologies, puisque vous organisez ça, comment est-ce que vous voyez dans le futur l'augmentation de la réalité virtuelle et leur influence sur la technologie future ? Alors ça, c'est une vaste question. Je dirais que l'évolution d'abord de la réalité... La réalité virtuelle est arrivée pratiquement à maturité en termes d'outils de visualisation, donc ce qu'on appelle les masques de réalité virtuelle. Évidemment, ces masques vont être plus légers, on va en augmenter la performance, il n'y aura plus de fils, etc., etc. Donc ils vont être de plus en plus accessibles et forcément, on va les utiliser de plus en plus. Est-ce qu'on en aura tous chez nous ? C'est probable, hein, c'est possible. Il faut simplement que l'équilibre entre la production de ces masques, la production des contenus qu'on met à l'intérieur, se fasse en même temps dans une logique de cercle vertueux. Hein. Donc le marché dans 5 ans de la réalité virtuelle, tu vas avoir ce qu'on appelle B2C, directement vers les consommateurs, avec des applications qui vont être plutôt des applications soit ludiques, soit éducatives. Il y aura aussi beaucoup de participation à des événements en direct. Prendre la place du chanteur sur un concert et regarder la foule devant soi, ou choisir au contraire d'être dans la fosse devant le chanteur, ou au contraire d'écouter un peu plus la guitare plutôt que la batterie ou plutôt que le chanteur. Voilà. Enfin, tout ça, on peut déjà le faire de façon prototypale, hein. Mais ça va le faire de plus en plus. Les événements sportifs aussi. Les événements sportifs, on peut aujourd'hui, dans un masque de réalité virtuelle, choisir si on veut être dans la tribune de droite ou la tribune de gauche, si on veut être dans le carré VIP ou tout en haut, et on peut le faire de façon sociale, parce que c'est ça l'autre évolution de ces technologies, c'est qu'on va aller de plus en plus vers des technologies qui vont permettre d'échanger et de partager avec les autres. D'accord. Très bien, vous avez répondu à plusieurs de mes questions en même temps, c'est aussi l'avantage. Est-ce qu'un salon de la taille de la Valve Virtuelle, maintenant, ça prend longtemps à organiser ? Il faut s'y prendre combien de mois à l'avance, approximativement ? Alors, pour organiser le Laval Virtual 2019, on a déjà commencé depuis 2-3 mois, si tu veux, à travailler sur le Laval Virtual de l'année prochaine, pour différentes choses. D'abord parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas venir cette année et qui viendront l'année d'après. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'en amont, on ait préparé le nouveau plan d'implantation de tous les stands. Là aujourd'hui, on a fait une recommercialisation directement sur le salon et on a recommercialisé plus d'un tiers des surfaces, tu vois, déjà pendant le salon. Donc c'est quelque chose qui se prépare en amont. On a commencé, il faut choisir les dates, faut commencer à travailler sur ta communication déjà. Et voilà, donc on s'y prend un peu plus d'un an à l'avance. Ah, d'accord. T'inquiète pas. Oui, je suis en train de réfléchir parce que... Essaye de le formuler, oui, puis on le reformulera. Oui, parce qu'en fait, en gros, je me demandais si le salon attirait des gros constructeurs. Quels étaient les plus gros... Est-ce que le salon attire vraiment des gros constructeurs et des gros exposants, et selon vous, quels seraient les plus gros exposants, les exposants les plus influents, je dirais? Alors, en fait, c'est assez récent qu'on ait des gros exposants sur la Valve Virtuelle, en tout cas des gros exposants qui correspondent à des gros constructeurs. Alors, on a historiquement les gens qui faisaient de la projection. Tu vois, les projecteurs qu'on a dans les cinémas ou qu'on utilise à des fins professionnelles, etc. Donc c'est des entreprises qui s'appellent Barco et Christie, qui ont été des gros partenaires et des gros exposants depuis longtemps. Mais depuis que les casques de réalité virtuelle ou les masques de réalité virtuelle et les lunettes de réalité augmentée existent, c'est HTC qui a été le premier avec l'HTC Vive à prendre un stand sur la Valve Virtual. Et du coup, progressivement, on arrive à voir les autres, Microsoft, Huawei, Sony, Samsung. Voilà, on a eu aussi Oculus présent sur le salon. Et j'espère que l'année prochaine, on aura Apple. Ah oui, ça serait bien. Enfin, la renommée de ce salon d'année en année augmente et vous arrivez à attirer de plus en plus des gros constructeurs, de plus en plus des gros exposants. Des gros exposants. Mmh. J'ai le temps de réfléchir. Ah, c'est un exercice qui est pas facile. Hein. C'est une des premières fois que je le fais, donc je l'avais fait l'année dernière pour un autre salon de livres de fantasy et ouais. Du coup c'est encore un exercice qui est compliqué. Ouais, bah c'est normal. Bah, surtout que des fois je réponds pas exactement à ta question et que je t'embarque sur d'autres trucs et que je te perturbe tes questions. Ah non, mais ça, moi ça me va parce qu'en même temps vous apportez des éléments. Mm. Mais je sais plus, est-ce que vous aviez... Et vous, comment dans 5, 10 ans, est-ce que vous voyez ce salon, la Valve Virtual? Alors dans 5 ou 10 ans, alors ça c'est vraiment pas facile parce que comme question, parce que il y a une incroyable accélération des technologies. Donc du coup, imaginez de quoi sera fait le salon ou sera composé le salon dans 5 ou 10 ans est quelque chose d'assez compliqué. Nous on sait que il y a un certain nombre de technologies qui vont arriver, l'humain augmenté, les ordinateurs quantiques, l'hologrammie qui va se développer, les jumeaux digitaux, voilà, il y a plein de technologies qui sont la réalité mixte qui est déjà en train d'arriver et qui va se développer encore plus. Voilà, donc toutes ces technologies, on va les voir sur le salon dans les 5 prochaines années. Après, aller jusqu'à 10 ans, là, c'est plus, ça relève plus de la science-fiction, et je pense qu'il vaudrait mieux lire ou regarder des films de science-fiction pour le savoir. Tu vois, par exemple, un film ou un livre plutôt comme Ready Player One, je ne sais pas si tu l'as lu, Ready Player One a été écrit en 2011. Oui. Aujourd'hui, sur le salon Laval Virtuel, là, pendant les journées professionnelles, tout ce qui était dans Ready Player One en termes de réalité virtuelle était présent sur le salon. Donc il y avait c'était de la science-fiction pure en 2011. Et en 2011, c'était certaines choses étaient dans les tuyaux, mais d'autres étaient loin d'être sorties des laboratoires. Quoi. Ah oui. Voilà. Donc par exemple, si je fais un résumé, si tu revois le film ou que tu lis le livre, je conseille d'ailleurs plutôt de lire le livre que de regarder le film. Oui. Dedans, il y a quoi ? Il y a masque de réalité virtuelle. Ils sont là aujourd'hui et ils sont impeccables. Il y a un tapis de marche, il y a une sorte de plateforme sur laquelle la personne marche pour pouvoir se déplacer dans les univers virtuels. Il y en a deux actuellement là sur le salon. Nous l'avons testé. Voilà. Il y a une combinaison que le héros enfile pour pouvoir sentir ce qui se passe dans les univers virtuels, pour pouvoir sentir la pression si je te touche virtuellement, ou sentir la chaleur, ou sentir les chocs forts, etc. etc. Ben ça existait, il y a des Russes qui ont développé, et qui étaient présents pendant les journées professionnelles, qui ont développé une combinaison qui te permet de ressentir le chaud, les chocs, etc. etc. Voilà, donc c'est en train de débarquer. Ah d'accord. Vous avez parlé tout à l'heure de jumeaux digitales ? Non. Jumeaux digitaux, ouais. Bah, en fait, c'est de dire qu'on est capable de digitaliser complètement. Alors, si on parle du monde professionnel, de digitaliser complètement une usine, et ça vient le jumeau digital de l'usine réelle. D'accord. Et du coup, sur ce jumeau digital, on peut conduire des expériences, on peut améliorer sans avoir besoin de modifier quoi que ce soit sur le réel, et faire donc évoluer la l'efficacité, je sais pas moi, des chaînes de production, ou l'ergonomie des postes de travail, ou de repenser la configuration des déplacements à l'intérieur, etc., etc., sans avoir besoin de le faire en réalité, et pour pas perturber la marche de l'usine. Mais ça peut être aussi des jumeaux digitaux d'une ville, par exemple. Tu peux dire que on va avoir le jumeau digital de Laval, et que dedans tu vas pouvoir venir faire des courses virtuelles dans tous les magasins, par exemple. Ah oui, ça peut être... Et du coup, dans 5 ans, vous dites, on pourra avoir accès à cette technologie. Ah oui, oui. Oui, oui, bien sûr, ouais. Ouais, ouais. Bah, dans 5 ans. Dans 5 ans, alors. Bah, on espère te revoir avant. Oui, l'année prochaine. Voilà, et même pour les journées professionnelles, il faut essayer de tricher un petit peu, puis de venir. On va essayer. Voilà. Voilà. Et ben, merci de nous avoir invité. Bonne journée à vous. Merci. Et à l'année prochaine. Okay. Merci. Merci. Bah, merci à vous.